Eh bien, bonsoir au sein de l'Universalité. Je vous souhaite une excellente soirée et aussi tout le personnel vous souhaite une excellente soirée. Comme j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de nouveaux et ici, il y a une tradition au centre. Lorsque vous achetez le billet de la prochaine conférence de Daniel, c'est-à-dire le vendredi suivant, on vous donne la première partie sur cassette de ce soir, gratuitement. Et la semaine prochaine, le thème sera la psychologie globale de l'homme nouveau. Ceci est très intéressant parce que ça vous permet de pouvoir réentendre cette cassette chez vous, de travailler avec, finalement peut-être d'apprendre de nouveaux mots, de mieux vous familiariser avec des nouveaux mots. Je rappelle aussi que tous les PMC, il y a une conférence spéciale, la conférence du mois, dimanche le 16 novembre à 13h. Et la carte est obligatoire. Pour toute autre information, vous verrez Mario tout près du comptoir à cassette. Et ce soir, il y a un événement qu'on ne rencontre pas tous les vendredis. C'est ne pas le lancement, mais c'est l'apparition d'un nouveau livre, un livre qui va aussi amener une énergie nouvelle, va te permettre de répandre une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de voir les choses. C'est la différence. Et bien entendu, le thème de ce soir, vous pouvez le retrouver traité dans ce livre en partie. Le phénomène de l'ennui, c'est pas quelque chose qui se traite facilement ou comme la psychologue ou comme un motivologue. Daniel, il le traite d'une façon plutôt comme un généraliste de la condition humaine. C'est ce que l'on lui qualifie comme titre, mais lui-même ne se donne aucun titre. En tout cas, on ne va sûrement pas s'ennuyer, je vous l'assure. On va recevoir Daniel Kemp. Bon, j'aurais un petit message à faire. Avant de t'interrompre. Bon, il y a une personne qui tout à l'heure s'est procuré un livre, La Différence, le livre numéro 28. Et puis, la personne qui s'occupe de... La personne qui s'occupe de vendre les livres à l'entrée là-bas, elle m'a demandé d'avertir la personne qui s'était procuré le livre numéro 28 qu'elle avait oublié de le payer. Alors, je passe le message. Si tu, pendant l'entracte, disons que ça lui revient à l'idée, ben, elle pourra simplement aller voir Michel qui est à la table. Et puis, voilà. Donc, régler le petit oubli. Ennuyons-nous. Alors, je ne vais pas vous ennuyer avec deux pages de questions. Si vous voulez pas vous ennuyer, regardez pas là. Ça commence bien. Alors, Daniel, si tu définissais toi, ta perception de l'ennui. C'est bien compliqué de définir ma perception de l'ennui étant donné que je m'ennuie jamais. Alors, celle qui est la nôtre? Bon, si tu t'ennuies, oui. Qu'est-ce qui motive l'ennui chez l'humain? Bon, depuis belle lurette, l'homme s'ennuie. Il a inventé de toute façon tellement de choses dans la matière pour essayer de pallier à cet ennui. Lorsque l'homme ne peut pas se supporter lui-même, il essaie de se faire supporter par les autres. Alors, il invite des amis, il crée des parties, il crée des orgies, il crée des sauteries, il crée un paquet de choses, il invente la danse, il invente le chant, il invente les fêtes, il invente les banquets, il invente il invente peut-être pas le sexe, mais il invente l'hypersexe. Il invente les sports, il invente les jeux, il invente toute la panoplie de jeux que l'on peut retrouver.